d'un bonheur fait de tant de baisers. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'ai dit ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, on se voit pour la dernière fois. Donne-moi vida, tant de baisers, mon amour, que je puisse oublier. Le temps enfuira et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot. Bésame mucho. Si tu entends ce refrain des pays où je vais, bésame mucho. Dis-toi que c'est la prière que j'ai confiée. Dis-toi que c'est le désir éternel qui s'envole vers toi que j'appelle. Les yeux ouverts dans la nuit, malgré l'heure qui fuit, quand tout bas je redis, bésame mucho. Si je reviens, mon amour, le bonheur va chanter. La, la, la, la, la, la. Et sa chanson n'aura plus qu'un seul mot. Aimer. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Félix Leclerc, le titre « Ton visage ». Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour deux éternités, ton visage. Une bouche jamais douce comme un secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je ne devine au creux des nuages. J'ai dû fermer les yeux, j'aurais dû faire un nœud aux nuages. Le vent s'est retourné, la vie m'a soufflé ton visage. Et puis j'ai voyagé pour tâcher d'oublier ton visage. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie. Et je le redessine, et le vent le ressouffle, ton visage. Je suis capitaine de bateau de paix qui ne coulera jamais. J'ai deux fois la peine de cent capitaines qui ne s'embarqueront plus. Et je me suis saoulé pour tâcher d'oublier ton visage. Et je me saoule encore à jeun et à tribord. Quel voyage! Hier c'était demain, demain ce sera toujours ton visage qui sentait à coller comme un drapeau mouillé en retraite. Et je le redessine et le vent le ressouffle, ton visage. Leurs amours et leurs jeunesses de leur temps. du paradis. En garde aussi au rêve qu'on y laisse, car le cœur parfois s'y blesse. C'est aussi ça. fête et s'amuser. Quand on voit tourner les robes, c'est magique à en rêver. À Rosas, en Espagne, on ne pense qu'à une chose, c'est danser. Quand on voit tourner les robes, c'est magique à en rêver. À Rosas, en Espagne, on ne pense qu'à une chose, c'est danser. Ainsi que pour demain samedi, donc à partir tout simplement de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel avec l'émission Découverte, suivie tout simplement d'Albino entre 19h jusqu'à 22h, émission Marika. Et puis demain, on sera déjà samedi, et à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver l'émission de Christine avec Portugal nous corésiens, suivi la suite avec Sylvien pour l'émission Pause Musique entre midi jusqu'à 14h. Et donc suivi juste après entre tout tout simplement 14h jusqu'à 16h, vous allez retrouver Carla, et puis juste après elle, entre 16h jusqu'à 18h, avec Julien et Louis, avec Noche Flamenca. Elle s'appelle Anne Chapelle et le titre s'appelle Soir d'hiver. Mais sans flâner, traverser sur votre votre vélo un beau dimanche. Vous vous envolez, c'est merveilleux. Et tout le long de la route blanche, insouciant du danger cycliste audacieux, vous dévalez comme un fou. Et 10 secondes après ça, vous vous trouvez dans les choux ou dans les bégonias. Quand vous roulez à bicyclette, c'est important, soyez prudent. Mes enfants, n'en faites pas qu'à votre tête, et tenez bon votre guidon. Attention, car si l'on veut jouer au plus fort, on s'en va valser dans les décors. Si vous vous dégonflez, c'est bête, sans vous presser mais sans flâner, vous gonflez. À tous les petits enfants de France, à tous ceux de notre beau pays, qu'ils soient de Bretagne ou de Provence, de Lorraine, de Bourgogne, du Nord ou du Midi, à tous les petits garçons, aux filles, aux familles, répétons notre leçon pour la dernière fois. Lorsque vous marchez dans la rue, c'est important, soyez prudents, mes enfants, ne regardez pas dans les nues, mais observez où vous mettez vos deux pieds. Ainsi vous ferez de même dans la vie, où vous avancerez la mort à vie, et jusqu'à la cime des nues, sans vous presser mais sans flâner, vous irez. Voici donc tout simplement, il s'appelle Charles Dumont, le titre L'amour nous unit. L'amour nous unit, et jour après nuit, je te retrouve, toi mon soleil, mon ciel de lit. Accroche cœur, toi, mon porte-vie. Il y a des amours d'un instant, il y a des amours de lassitude. Moi, je veux être ton amant, loin des chemins de l'habitude. L'amour nous unit, et jour après nuit, je te retrouve. Pour mon porte-vie, on a connu bien des saisons, des beaux jours et des jours d'horreur. La raison est des raisons, on s'aimait trop pour faire nos frères. L'amour nous unit. Son souvenir sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Sous les ponts, on a les soirs lorsque tout dort tranquille. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Le parfum et l'eau, c'est pas cher, mon marquis, sous les ponts de Paris. Sous les ponts de Paris avec le groupe Les Compagnons de la chanson. Voici donc Ulysse Ellis avec La Boîte à Musique. Dans une boîte à musique profonde, oublions le reste du monde. Vos yeux font en moi fleurir un fol espoir, ma main sous vos doigts frémit sans le vouloir, de mon baiser grisez-vous à votre tour. N'empêche pas les feuilles de tomber à l'automne. Sur les passants pressés, les amants enlacés qui frissonnent. Et tout ça n'empêche pas mon cœur de t'aimer mieux que personne. D'aimer trop tes 20 ans, ton petit cœur de printemps qui s'étonne. Tu m'as nous quittons, c'est normal, je te pardonne. Ton bonheur peut marcher sur les feuilles arrachées à l'automne. Quel grand amour, quel grand chagrin qui fait jaillir l'ardent refrain qu'un vieux phoneau au fond de ma cour revient chanter quand meurt le jour. Et tout ça n'empêche pas les feuilles de tomber à l'automne sur les passants pressés, les amants enlacés qui frissonnent. Et tout ça n'empêche pas mon cœur de t'aimer mieux que personne, d'aimer trop tes 20 ans, ton petit cœur de printemps qui s'étonne. Tu m'as fait tant de mal en me quittant, c'est normal, je te pardonne. Ton bonheur peut marcher sur les feuilles arrachées à l'automne. Ton bonheur innocent, ton bonheur de printemps qui s'étonne de l'automne. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voici donc le titre, s'appelle Désormais, et c'est Charles Aznavour. Désormais, ma vie pour s'aimer, il faut toujours aller jusqu'à Venise. S'embarquer pour s'y taire, faire le tour de la terre promise. Pourquoi toujours partir? L'amour nous en fait dire de ses bêtises. Dans un élan de joie, tu t'es donné à moi, tendre et soumise. Vois-tu dans les chansons l'amour, ça tourne en rond, c'est monotone. C'est toujours la même chose, on effeuille les roses et l'on s'étonne. Soudain que l'amour soit un mot qui ne s'emploie que par méthode. Commercial, on dit que ça fait mal, mais c'est la mode. Crois-tu que pour s'aimer, il faut toujours chanter, qu'on se déchire? Il y a des gens qui vraiment n'ont pas énormément de choses à dire. Y'a rien à raconter, rien pour faire pleurer la midinette. Tu éteins la lumière et le bruit de la terre nous abandonne. Tu glisses dans mes bras ton corps chaud contre moi. Alors le monde entier pourrait bien chavirer qu'on se le dise. Nous deux on s'aimerait, nous qui n'irons jamais, jamais jusqu'à que s'appelle tout simplement, eh bien, Annie Gould. Un gitan me vendit un jour ces anneaux d'or que j'aime. Ils ont, me dit-il, un pouvoir magique dont un cœur ardent doit s'émouvoir. À qui porte ces merveilleux anneaux, l'amour vient brusquement, l'amour total, l'amour brûlant. À ta maîtresse, si tu fais ce cadeau, elle a subi ta loi, et pour jamais, elle est à toi. Dès qu'à son oreille, ils brilleront au feu du soir, de tendre des yeux l'envahiront, rien qu'à te voir, et dis-lui, et garder mon amour. Si tu dois un jour me tromper, ou même, hélas, m'abandonner, n'accepte pas ce nom du cœur, refuse, n'appelle pas sur nous le malheur. Ces merveilleux anneaux, l'amour vient brusquement, l'amour

Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Voici donc Jean-Marc Thibault, ça s'est passé un dimanche. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Pécon les Montbuyères et lui demeurait à Bercy. Il fallut que le dieu de l'amour les fit se rencontrer. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui n'était pas dans sa manche. Alors il invita la jolie dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. La demoiselle était sage, sur l'herbe elle refusa de s'asseoir. Mais son cœur battait très fort sous son corsage, elle accepta de le revoir. Ils se revirent toute la belle saison, un merle m'a compté. On ne voyait que sous les frondaisons, et même qu'elle a fondé. Oh, ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle a fait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Mais au jeu de l'amour, elle gagna bientôt un peu plus de rondeur sur les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots. Il n'y a pas de raison que tu flanches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Pour que l'enfant eût un père, le père étant un homme sensé, ne trouva rien de mieux que d'épouser la mère. C'est rien, mais fallait y penser. Il n'y pensa que 15 ans plus tard. C'est pour cette raison-là, le jour des noces, on vit leur moutard qui lançait la java. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Dans une baraque en planche qu'on baptise au printemps caboulot. Tandis que les invités, après les petits cadeaux, attaquaient une bolonne en trois manches afin de revoir l'endroit de leur premier béco. Ils s'enfuirent tous les deux sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. C'est tout. Les Rousseaux des Halles. La tournée des grands ducs chez les grands de la terre, se faisait naguère chez les voyous. Petites folles et petits fous, aujourd'hui leur préfèrent les légumes et les fleurs, le vin rouge et la sueur. On peut voir si l'on a de la veine, un petit jeune homme plein d'esprit, tenir le crachoir et la trêle d'une poétesse qui s'ennuie. Dans les ruisseaux des Halles se promènent les belles. Il y a du sang d'animal, du cœur, de la cervelle, du thym, de la pimprenelle, le chapeau neuf d'un veuf, dans le sang chaud d'un bof, rencontre un coquelicot palot et le pied d'un badaud bancal dans les ruisseaux des Halles. avec des airs mystiques, ah, toutes ces dames s'excitent sur la rougeur d'une main de tueur. Devant ses armoires à glace, madame fait des grâces. Les bouchers étonnés se contentent de murmurer, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Qu'elle parle mal les mondaines et qu'ils sont tristes les gens gays. Pour rire on prendrait pour la peine de monter aux Champs-Élysées. Dans les ruisseaux des Halles se promènent les belles. Il y a du sang d'animal, du cœur, de la cervelle, du thym, de la pimpronelle. Un vieux dentier doré, un joli gant brodé, y croise un vieux caniche sans niche qui traîne dans sa barbiche. Oh la gale, c'est affreux. Dans les ruisseaux des ah, pour les hommes du jour et les filles de nuit, il y fait jour toute la nuit. Et quand le soleil brille, il a l'air étonné qu'on puisse rire et trimer sans avoir besoin de lui. Puis comme un vol d'oiseau de nuit, parfumé de fromage et de vin, les joyeux noctambules s'enfuient à faire des rêves sublimes et divins. Dans les ruisseaux des Halles, y brille le soleil. Les larmes d'un animal, le cœur et la cervelle d'un Paris qui s'éveille. Et ce beau ciel de fiel emporte confidentiel la vie d'une capitale fatale, ou bien ce madrigal, oh banal, hein, sur les ruisseaux des Le titre s'appelle Julie. N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers aux tendres flutiaux. Je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg, de dire au pêcheur, je suis une truite, me pêche qui veut m'apprendre l'amour. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guillotine avant de prendre époux. Avec Ferdinand, vous n'êtes plus d'âge à vous trébousser folle sur ses genoux. En lui agaçant le bout des moustaches pour voir si ça pique ou bien si c'est doux. Et quand vous sentez son trouble, Julie, ne demandez pas d'un air innocent. Vous

assim se eu confessei. Se eu já me arrependi até chorei. O mal que te causei há um tempo atrás. Tudo mudou, agora só me tratas por você. Mais provas de amor queres que eu te dê? Sinais de redenção não tenho mais. E o meu amor só tem como resposta o teu adeus. Os amantes que fomos tu e eu, chama-se agora inimigos mortais. E hoje sou um estranho, um desconhecido. Nada mais que um estranho. Amor contigo. E hoje sou um estranho para quem dei a vida. Nada mais que um estranho. E tu minha inimiga. Para te ver já é preciso agenda para marcar. Tens hora certa até para te ligar. E só atentos para me mais. Sempre a dizer que me vais odiar a vida inteira por causa da loucura passageira. Um erro do passado que lá vai. E hoje sou um estranho, um desconhecido. Nada mais que um estranho. Pensa-me contigo. E hoje sou um estranho para quem dei a vida. Nada mais que um estranho. E tu minha inimiga. E hoje sou um estranho, um desconhecido. Nada mais que um estranho. Pensa-me contigo. E hoje sou um estranho para quem dei a vida. Nada mais que um estranho. Tu minha inimiga. Hoje sou um estranho, um desconhecido. Nada mais que um estranho. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2, 96.2. Arc-en-Ciel. Il s'appelle tout simplement et fait un Fred de Rabol avec le petit titre, ça s'appelle Petit Papillon. Voici donc, s'appelle tout simplement, eh bien, Annie Levineuve, toi et moi. Ce soir, la lune est pleine et ça dure depuis longtemps. Ce soir, tu me fais de la peine, mais c'est fini, est-ce que tu m'entends? Ce soir, il faut qu'on se parle et arrêtons de s'éviter. C'est la limite finale, car j'ai mal à y penser. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Utilisons les mots qu'il faut. Ça ne peut pas aller plus mal. Je ne veux pas qu'on se tourne le dos. Je ne veux pas qu'on se tourne le dos. Dis ce qui ne va pas pour enfin recommencer. Nous deux, c'est pour toujours et c'est depuis longtemps. Bien plus fort que l'amour, mais fragile de temps en temps. Christine, avec le titre, tout simplement, j'ai lu dans tes yeux. Ciel si bleu, au loin l'oiseau chanta, j'écoutais l'oiseau, Dieu que c'était beau. Une cloche tinta, la bonne cloche, elle sonna pour nous, souvenez-vous, j'ai lu dans vos yeux. Que j'ai lu dans vos yeux.

c'est merveilleux de vous aimer. Mon cœur n'attendait que vous. Mes bras se tendaient vers vous. Mon rêve était tout pour moi. L'amour, c'était vous et moi. Toujours je gardais l'espoir qu'un soir serait notre soir. Chérie, le bonheur est là. Venez dans mes bras. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Donc, eh bien, l'émission touche déjà à sa fin. Dans quelques minutes, il sera 16h. Donc, voilà, l'émission touche donc à sa fin. On se retrouve prochainement, donc dimanche après-midi, avec l'accordéon. Je aussi, ben, n'oubliez pas aussi que pour dimanche, eh bien, on recule d'une heure. Ça va très vite, on ne croit pas. Mais voilà, donc, eh bien, je vous souhaite de passer bonne fin d'après-midi et je vous dis bonsoir à tous et à toutes.